Chapitre 17e. Rouen, septembre 1888. « Mais c'est une grande ville !» s'écria Jessie. « Tant mieux, mon fils. Les affaires n'en seront que meilleures. Le tout, à présent, étant de trouver une bonne auberge, ou plutôt un hôtel situé en plein centre. Il faut avoir une bonne vue sur toutes ces rues remplies de monde et de commerce. Dieu, que ces rues pavées sont inconfortables. J'ai les reins moulus. Un peu de repos ne me ferait pas de mal. » L'hôtel de la Colonne, au pied de la place dite du Vieux-Marché, était un établissement ne peu plus correct et peut-être le plus sélect de Rouen. Ils s'y installèrent donc et commandèrent leur souper en même temps. Leur chambre, bien qu'assez réduite, était sans conteste très confortable, et la vue donnait directement sur la place où se dressait une espèce d'ancien bûcher. « Qu'est-ce que cela ? » se demandait Patrick. « Étrange. Brûlerait-on encore les gens dans ce charmant pays ? » « Nous en saurons un peu plus si nous interrogeons l'hôtelier en descendant nous restaurer, » dit Jessie. « Tu as raison, mon garçon, et pour l'instant une seule chose m'importe, c'est de faire une toilette et de me reposer. » Quelque temps plus tard, attablés devant une excellente omelette au lard et aux pommes de terre, les deux hommes discutaient avec M. Paul, le directeur de l'établissement. Paul Dubois avait acheté la Colonne quand ce n'était encore qu'une étable. Il y avait cela 6 ans. C'était devenu un des établissements les plus huppés de Rouen. Toute la bonne société passait par ses murs. Mariage, dîner d'affaires, se faisait désormais dans son hôtel. Monsieur Dubois connaissait donc le gratin de la ville et les informa sur plusieurs choses importantes. Quand les deux Emerson lui firent part de leur idée d'ouvrir une banque, Monsieur Dubois prit une chaise et s'approcha de leur table. « Henri, fit-il au serveur, apporte-nous une bonne bouteille de champagne. Et surtout qu'on ne nous dérange pas. Vous savez, messieurs, que ça me paraît une excellente idée, l'ouverture d'une banque à Rouen. Toutefois, vous êtes étrangers, et cela risque de poser quelques problèmes. Les Normands ne sont pas des gens confiants de nature. Pourtant, avec mon appui et mes connaissances, oui, je pense que cela pourrait marcher. Voulez-vous me laisser quelques jours pour que je puisse voir des amis? Il me faudrait des garanties de votre part, cela va de soi. « Parfait, dit Jessie. Mon père et moi, dès demain, nous vous ferons voir nos lettres de créance signées par les plus grandes banques américaines et anglaises. Oh, s'il faut aller à Paris et vous donner également des garanties de ce côté, non, inutile, messieurs, avec ce que vous avez, ce sera amplement suffisant. Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez dans le pétrole ?»« Certainement. Et à l'heure actuelle, environ 150 puits sont en fonction, monsieur Dubois. »« Belle affaire, messieurs, vraiment une belle affaire. « Je m'occupe de tout cela dès demain. » Et levant son verre. « Santé, messieurs, et à la fortune. » Patrick posa une dernière question à l'hôtelier avant d'aller se coucher. « Dites-moi donc ce que c'est que cette espèce de bûcher sur la place. »« Ah, ça, c'est un souvenir de ces charmants voisins anglais, les ordures. Pardonnez-moi, mais les Normands ont tous une dent contre les Anglais. » Ils ont fait brûler notre héroïne nationale sur ce fichu bûcher, Jeanne d'Arc. Je n'ai jamais entendu parler de votre héroïne, cher monsieur, mais croyez-moi, elle aurait eu toute ma sympathie. Mais n'êtes-vous pas anglais vous-même, monsieur Emerson ? Grand Dieu, non ! Je suis irlandais, et je voue une haine féroce contre ces Anglais de malheur. Voilà une autre bonne raison de nous entendre, cher monsieur. Passez une bonne nuit et à demain. « Je pense que je pourrai compter sur vous en tant que client très bientôt, j'espère. »« J'espère de tout cœur, » fit Jessie en serrant la main de l'hôtelier. « Si nous réussissons, notre reconnaissance vous sera acquise pour toujours. Sur ce, nous vous souhaitons également la bonne nuit. » Toute la ville de Rouen était pavée, et le lendemain, en se promenant, Patrick fit soudain arrêter la calèche. « Bon sang, mon fils, il vaut encore mieux y aller à pied, ou cette nuit je ne pourrai plus dormir ni bouger. Je vieillis. Allons, père, ce ne peut être pire que monter à cheval. Eh bien, je préférerais être sur le dos de cette bestiole qu'être trimballé de droite et de gauche dans cette voiture. Regarde cette rue qui mène à notre hôtel, elle est bien commerçante. À mon avis, ce serait idéal pour ton établissement bancaire. Écoute, père, je préfère être un peu plus près des quais. N'oublie pas les bateaux. » Tu as peut-être raison, et après tout, c'est à toi que revient la décision. Mais elle me plaît, cette petite rue, cette horloge, vraiment, Je n'en ai encore jamais vu de pareil. Elle n'a qu'une aiguille. Il est vrai qu'elle est étonnante. Attends, je vais m'informer du nom de cette voix. Arrêtant un passant, Jessie se la fit nommer. Eh bien voilà, c'est la rue du Gros Horloge. Elle porte bien son nom. Pourtant, je pense vraiment qu'une des artères transversales à celle-ci et plus proche du port ferait mieux l'affaire. Ils continuèrent à flâner en silence pendant quelques instants, descendant la petite ruelle. Tiens, regarde, père. Celle-ci me semble plus appropriée. Je vois la Seine et les bateaux d'ici. Je vais me documenter. Sitôt dit, sitôt fait. Elle s'appelle rue Jeanne d'Arc, père, et elle me plaît. Une banque irlandaise implantée dans une artère qui porte le nom d'une héroïne française qui combattit les Anglais. Cela ne t'agréerait pas? Demanda Jessie à son père en souriant. Ah, je dirais que c'est excellent. Encore une fois, je dois dire que non seulement tu as du goût, mais qu'en plus tu as aussi de l'humour. À juger pour la rue Jeanne d'Arc. As-tu pensé au nom que tu allais donner à la banque? J'y songe, père, j'y songe. Mais j'hésite encore trop. Laisse-moi encore un peu de temps, veux-tu? Nous ne sommes pas si pressés. Fais comme bon te semble. Pendant que j'y pense, je désirais te demander une faveur. Je t'écoute, mon garçon. J'aimerais que tu m'envoies Mike. Mike? Mais, oh, je comprends que son père adoptif voudrait qu'il travaille toujours au ranch, mais Mike a étudié avec le pasteur et question chiffres, il est très doué. En plus de ça, il voudrait bien voir l'Irlande, alors je me suis dit. Oui, je comprends ce que tu t'es dit. As-tu seulement pensé à ce que Mike désirait? Il ne veut peut-être pas finir dans une banque sous tes ordres. Et le pauvre Stewart va en être malade. De plus, j'ai besoin de lui. Je ne te demande qu'une seule chose. Demande à Mike s'il veut venir travailler avec moi, et si oui, essaye de convaincre son père d'accepter. Ce que tu me demandes n'est pas facile. J'aime beaucoup Stewart, et Mike est son seul fils. Cela risque de lui briser le cœur. Stewart est trop âgé pour continuer à travailler au ranch. Je pense qu'une bonne retraite lui serait salutaire. Il pourrait peut-être accompagner son fils en France. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Il est vrai que Stewart va bientôt avoir 70 ans. Le pauvre mérite bien de finir sa vie tranquillement, et en accompagnant son fils, cela sera moins difficile pour lui de tout quitter. Tu vas me prendre un bon compagnon, Jessie. Il faudra en assumer la responsabilité également, mon fils. Je te le promets, il sera bien traité. Nous leur trouverons une bonne maison pas trop loin de la nôtre. Ainsi, il ne sera pas trop dépaysé, et je veillerai sur sa santé, tu peux en être certain. Puisque c'est une promesse que tu me fais, je veux bien accéder à ta requête. Merci, père. La confiance que tu mets en moi me touche énormément. J'ai beaucoup à me faire pardonner. Je t'ai volé 7 ans de bonheur avec Alice. J'essaye peut-être à présent, par un moyen ou un autre, de te revaloir cela, petit. En n'y pensant plus, c'est de l'histoire ancienne. Et je dois dire que j'apprécie énormément ce que tu fais pour m'aider. Crois-moi, mon oncle et toi ne regretterez pas votre décision. Nous savons que cette confiance est bien placée. Pourtant, j'ai promis à ta mère, et je suis d'accord avec elle, de t'enjoindre de ne pas trop en faire. Il faut travailler dur pour réussir, cependant, il faut aussi savoir s'arrêter de temps à autre. J'ai bien compris. Tu diras à maman que j'essaierai de ne pas me tuer à la tâche. Et puis je suis mariée à présent, et je doute qu'Alice me laisse travailler jour et nuit. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas d'imprudence. Mais regarde ça. Il y a une grande bâtisse vide ici. Tu as raison, hein? Il faut s'informer tout de suite. Rentrons à la colonne, demander conseil à monsieur Dubois. Ils rentrèrent juste au moment où Paul Dubois sortait de réunion lui aussi. Messieurs Emerson, vous tombez bien. J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Suivez-moi. Allons dans mon bureau. Nous prendrons un apéritif et nous serons plus à l'aise pour discuter. Le bureau de Dubois était d'un luxe inouï. On voyait que cet homme avait non seulement du goût, mais aussi qu'il aimait son confort et le faisait volontiers partager. Les meubles en acajou massif étaient somptueux et assortis aux rideaux de velours incarnat qui agrémentaient les fenêtres. Un bon feu de cheminée réchauffait la pièce en attendant ses occupants. Paul Dubois se pencha vers un bar et en sortit une bonne vieille bouteille, se tournant alors vers Patrick et Jessie. Vous m'en direz des nouvelles. Celui-là a presque 20 ans d'âge. Et pour la discussion que nous allons avoir, je crois qu'il est tout à fait indiqué. Ce cognac est fabuleux, monsieur Dubois, fit Patrick. Je vois que vous êtes connaisseur. Tant mieux. J'aime les hommes qui savent apprécier les bonnes choses. Après avoir dégusté pendant un bon quart d'heure le breuvage doré, Dubois reprit la conversation. Alors voilà, messieurs, j'ai fait le tour de tous mes amis aujourd'hui, c'est-à-dire des hôteliers comme moi, mais aussi d'autres professions telles que notaire, médecin, armateur, avocat et autres notables. Ils sont tous d'accord avec moi. Cette ville a besoin d'une banque. Alors qu'en dites-vous? C'est formidable, n'est-ce pas, père? Oui, mon fils. Et nous sommes tombés de plus dans la bonne ville. Je voulais savoir, monsieur Dubois, si vous étiez au courant de cette grande bâtisse vide rue Jeanne d'Arc. Une grande bâtisse vide, dites-vous. Attendez. Ah oui, je crois que je vois. Elle appartient à la famille Desville, mais il ne reste plus d'héritier et elle est à vendre. Fort cher, d'ailleurs, selon mon ami marchand qui est notaire. Elle vous intéresse, je vois. En effet, mon fils avait bien envie de la visiter, cette maison. Rien de plus facile. Édouard Marchand est à son étude demain matin. Après, il part sur Paris, comme tous les mardis. Cela est une autre histoire. Si vous le désirez, je le fais avertir dès maintenant pour un rendez-vous. Cela me semble parfait. Vous êtes vraiment l'homme de toutes les situations. De plus, reprit l'hôtelier, j'ai pris un autre rendez-vous pour vous demain à 15 h ici même, avec, vous l'imaginez, tous les notables de cette ville. Après, vous serez plus en mesure de juger si vous pourrez ouvrir votre banque. Monsieur, nous vous sommes redevables. Commencez par dîner avec nous ce soir. Père et moi-même, nous vous en saurions gré. Tout à fait. D'ailleurs, si mon fils n'avait pas formulé l'invitation, je l'aurais fait moi-même. J'accepte volontiers, messieurs. Votre compagnie m'est très agréable, et entre gens de bonne compagnie, un bon repas devient plus succulent encore. Nous vous laissons à présent. Mon père se sent un peu fatigué ces derniers temps, et il devrait bientôt repartir en Amérique. Il faut qu'il prenne un peu de repos. Faites-nous donc savoir quand sera pris le rendez-vous chez Maître Marchand, c'est cela? Tout à fait. J'y envoie mon secrétaire immédiatement. Au dîner, nous aurons des nouvelles. À 8 h le lendemain, Maître Marchand ouvrit la maison des Desville. Elle est restée en cet état pendant 2 ans, expliqua le notaire. Il nous fallait chercher un éventuel héritier avant de pouvoir la mettre en vente. Les Desville étaient des gens aisés à leur époque. Ils avaient fait fortune dans le coton et peut-être bien dans la traite des esclaves aux colonies. Il ne restait que la bonne vieille Madame Desville. Celle-ci décédée, la maison n'a plus été entretenue comme il le fallait. Mais je crois que vous venez de vous marier, jeune homme. Une femme va remettre tout cela en état très vite, croyez-moi. Oh, je le sais. Toutefois, elle est vraiment immense. En y faisant les travaux appropriés, je pense qu'elle pourrait convenir. Qu'en penses-tu, père? En effet, cela prendra un peu de temps, mon fils, et tu ne pourras pas vivre avec Alice dans un pareil capharnaüm. Non, pourtant je pense refaire les étages et une partie basse pour l'habitation avant tout. Après, cela me semble être une bonne idée. Ils suivirent Maître Marchand jusqu'à son étude et apposèrent leur paraphe sur l'acte de vente. Ils étaient finalement propriétaires de la maison des Desville. Je suis si heureux, père. Croyez-vous que Maître Marchand nous ait fait un prix? Cette demeure, bien qu'en mauvais état, me paraissait plus chère. Je pense que messieurs Marchand et Dubois savent très bien où se trouvent leurs intérêts, mon fils. Il ne faudra pas l'oublier. Je vois, c'est normal. Ce sera grâce à eux que j'aurai pu commencer ma carrière de banquier, fit Jessie en souriant. C'est ainsi que la semaine qui suivit, Larme de pluie reçut un télégramme annonçant qu'ils étaient propriétaires d'un nouveau bien immobilier en France. Patrick lui fit remarquer en même temps qu'il devrait rester un peu plus longtemps pour préparer l'installation de la banque ainsi que le logement des jeunes mariés. Il comptait bien encore 2 mois sur place, mais il fallait faire aussi un peu plus vite pour rentrer en Amérique avant l'hiver. Patrick ne voulait pas que sa femme subisse encore une fois une mauvaise traversée. D'un autre côté, le télégramme de Larmes de pluie annonçait à Jessie qu'Alice était enceinte ainsi que Claire et qu'il ne fallait pas que les travaux traînent en longueur, la jeune Claire devant elle aussi faire la traversée. À peine le télégramme reçu, Jessie sauta au cou de son père. Tu te rends compte? Je vais être papa. C'est formidable, mon fils. Je me rappelle quand votre mère m'a appris qu'elle allait me donner un bébé. J'étais au début désemparée et en même temps fou de joie. Nous devons fêter cela. Je te propose un dîner à la colonne et pour ce soir, laissons tomber la banque, les travaux et tout le reste. Tu es d'accord? Entièrement. Rentrons à l'hôtel faire un brin de toilette et nous reposer un peu. Nous sommes debout depuis 4 heures du matin et il est bientôt 17 heures. Je crois que pour aujourd'hui, c'est amplement suffisant. De plus, j'ai fait une promesse à maman, celle de ne pas trop travailler. Je suis tellement excitée, père, tu ne peux pas imaginer. Tous ces grands projets qui prennent corps finalement, après toutes ces années de rêves et d'espoir. Je comprends ce que tu veux dire, Jessie. Tu sais, si j'ai travaillé si dur toutes ces années, c'est aussi pour toi et ton frère. Les parents font tous ça pour leurs enfants, non? Ils essaient, mais ils n'y arrivent pas toujours, malheureusement. Tu sais, Jessie, j'ai eu aussi beaucoup de chance en rencontrant ta mère et ton oncle Bison Ardent. Nous avons fait de l'excellent travail ensemble, mais surtout, je pense que l'amitié qui nous a liés dès le départ nous a aidés dans ce dur labeur. À présent, nous sommes âgés, nous avons fait notre part, et nous vous passons le flambeau. Il faut que tu essaies, toi aussi, de créer autour de toi des liens d'amitié, car tu vas être loin de nous à présent. Je ne dirai pas seul, non, mais quand même sans tes parents et ton frère. Je pense que quelquefois tu pourras te sentir très triste. C'est à ce moment-là, vois-tu, qu'un ami est précieux, car, sans rien lui dire, il saura si tu es malheureux et t'aidera sans compter. Je sais, père, et je te remercie de tous tes conseils. J'aime bien Dubois, je pense qu'il restera pour moi une bonne relation d'affaires. Si je t'ai demandé de m'envoyer Mike, c'est aussi pour une autre raison. Il est comme un frère pour moi. Nous n'avons pas grandi ensemble, mais ces dernières années, nous les avons passées sur les chantiers, à nous entraider et à nous soutenir. Nous avons beaucoup d'affinités tous les deux. Cela m'aidera de l'avoir ici, si naturellement il veut bien venir. Pendant 2 mois, les ouvriers travaillèrent sans relâche. Les 2 étages de la belle demeure furent rénovés et meublés. Le superbe jardin à l'arrière fut défriché et replanté avec amour. Enfin, la devanture fut dévoilée à Jessie pour lui permettre de donner un nom à son entreprise. Je ne vais pas être très original, père, je pense l'appeler Emerson Bank. Comme tu voudras, c'est ton travail, à toi de juger. D'un autre côté, il y a aussi les fonds de mon oncle, voilà ce qui m'ennuie. Ce n'est pas un Emerson, et pourtant, il mérite bien de voir son nom accolé au nôtre. Pas si tu veux mon avis, ton oncle s'en moque éperdument. Néanmoins, si tu as des doutes, laisse les travaux ainsi et accompagne-moi à Honfleur pour le lui demander toi-même. De toute façon, nous devons partir dans une semaine. Tu feras tes adieux en même temps. Tu as raison, j'aurai ainsi la conscience plus tranquille. Ils reprirent la calèche 3 jours plus tard et leur arrivée à Honfleur fut magistralement fêtée. Claire et Alice s'entamaient leur 4e mois de grossesse et étaient plus rayonnantes que jamais. Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, elles apprirent le même jour à leur mari ainsi qu'à leurs parents qu'après consultation médicale, elles attendaient des jumeaux. C'est incroyable, dit Patrick. Toutes ces générations qui se suivent et se ressemblent. Mais c'est tellement bien que j'aurais tort de me plaindre. Votre mère et moi sommes très heureux pour vous. Perpétuez notre sang, faites de grandes et belles familles, que les Emerson ne meurent jamais et qu'ils racontent leur histoire à leurs descendants. Ne t'en fais pas pour ça, père, nous y travaillerons. L'heure de la séparation arriva bien trop vite, mais le temps fraîchissait et la mère risquait de plus en plus d'être mauvaise. Il fallut bien un matin, dans les pleurs et les rires, les bourrades et les embrassades, se dire adieu.